Section 43 de La Lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Lecture, tome 6e, section 43, Les Amours de Gilles, livre 2e, Pulcinelle, par Louis Morin. Chapitre 2. Misère de Pietro, le secret du bonheur, d'après Pulcinelle. Maître Cornelio, avant de quitter Bologne, voulait donner à son public la primeur d'une pièce nouvelle de sa composition. Il y introduisit un rôle de Scaramouche qui devait servir au début de Pietro et qu'il avait, avec grand à-propos, suivant sa pensée, combiné de manière que le débutant eut un rôle muet pendant les premiers actes et ne parla que vers la fin, afin de ménager son émotion. La pièce était mauvaise, bien que Cornelio la déclara excellente. Son succès des fourberies de Colombine l'avait rendu très indulgent pour lui-même. On fit des répétitions, contrairement à l'habitude de la troupe, pour permettre au nouvel acteur de se familiariser avec les planches. Voici quel était le sujet de la pièce, qui avait ce titre « Le séducteur sans le savoir ». Pantalon, sorte de Cassandre avare, désire marier sa fille Colombine à Pulcinelle, parce que celui-ci offre journellement d'excellents déjeuners. Mais Colombine, qui veut épouser Lélio, feint d'aimer certains scaramouches qui vient sans cesse se pavaner sous ses fenêtres. Pendant que Pantalon va par économie déjeuner chez son futur gendre, il donne sa fille à garder à certains scapins, qui lui a promis de le servir pour rien, ne demandant à être payé que sur son héritage. « Je n'ai rien à craindre, » dit naïvement Pantalon. « Voilà un gaillard qui a tout intérêt à m'être fidèle jusqu'à ma mort. » Mais Scapin n'est autre que le valet de Lélio. Il décide Colombine à se laisser enlever et cacher ses Lélio. Puis il laisse croire que c'est Scaramouche qui a séduit et enlevé Colombine. La colère de Pantalon et celle de Pulcinelle retombent sur Scaramouche, qui, ne connaissant ni l'un ni l'autre, avoue par sotte vantardise un rapt qu'il n'a pas commis. Pulcinelle le bâtonne et s'en va, disant qu'il ne veut plus d'une fille séduite. Et Scaramouche, resté seul avec Pantalon, lui rend tous les coups qu'il vient de recevoir. C'est alors que Lélio s'offre à retrouver Colombine et à venger Pantalon, pourvu qu'on lui donne en mariage la fille séduite, qu'il va tout simplement chercher chez lui. Les répétitions marchèrent bien. Pietro paraissait un scaramouche fort présentable. À la représentation, ce fut autre chose. Personne ne comprit tout d'abord le rôle muet de ce scaramouche, qui, n'ayant à parler qu'au dernier acte, venait de temps en temps se promener sous les fenêtres de Colombine, en faisant la roue et en frisant sa moustache, et, quelqu'un du parterre, s'étant avisé de crier d'une voix comique « Que vient faire là ce scaramouche ?» Les spectateurs, amusés par cela dit, le répétèrent à l'envi toutes les fois qu'il paraissait en scène. Le pauvre débutant sentait déjà la peur le prendre au ventre, quand Scapin vint tout gâter en essayant d'expliquer son rôle au public. « Il vient là pour qu'on l'admire. » De ce moment, ce furent des cris assourdissants. « Il est laid, qu'il s'en aille !» Pietro perdit tout à fait la tête et joua si mal son rôle que personne n'y put rien comprendre. La pièce fut sifflée et l'on dut reprendre le lendemain les fourberies de Colombine. De ce jour, la situation de Pietro fut changée. Cornelio, furieux de l'insuccès de sa pièce, s'en prit à lui. Il avait joué bêtement. Les autres acteurs ne le soutinrent pas. Séraphine elle-même fit quelques reproches. Il aurait pu partir, rompre son engagement, s'en tenir à cet essai malheureux, mais Séraphine était là. Il resta et plia la tête sous l'orage. Ce fut son premier abaissement. En toute autre circonstance, Cornelio l'eût renvoyé sans façon. Mais la prospérité était grande. Une personne de plus ou de moins à partager le gros chiffre de recettes, ce n'était pas une affaire. la colère directoriale dura peu. Cornelio se réconcilia tout de suite avec Pietro. Était-il poussé par le souvenir des services rendus à Padoue, ou bien était-ce la paresse de reprendre les livres de la troupe? Mais il y avait quelque chose qui chagrinait Pietro bien plus que les reproches du patron ou les railleries de ses camarades. C'était d'avoir été humilié devant Séraphine. Les acteurs ne comprennent point la timidité. À peine excusent-ils l'émotion d'un débutant. C'est pour eux un besoin de métier d'être toujours impassible, sûr d'eux-mêmes, prêt à la riposte. Pietro avait peur pour son amour et sentait instinctivement combien il avait dû déchoir dans l'estime de sa maîtresse. En effet, les peines de cœur commencèrent presque aussitôt pour lui. Un soir, pourtant elle avait été plus tendre que d'habitude pendant la journée, Séraphine disparut après la représentation. Pietro l'attendit vainement pour entrer avec elle à l'auberge. Il dut tout seul regagner la chambre qu'ils habitaient en commun depuis leur arrivée à Bologne. Pendant combien d'heures couché sur son lit, tout habillé, espéra-t-il l'infidèle, se creusant la tête pour trouver des raisons de l'innocenter? Il savait pourtant bien qu'il n'y en avait pas. Ce fut d'abord une attente anxieuse, l'oreille douloureusement tendue au moindre bruit de la petite rue solitaire. Quelques personnes rentrèrent dans l'auberge, attardées. Ils suivaient leurs pas, pris d'espoir fou, croyant reconnaître les pas de Séraphine. La porte du seuil se fermait, chaque marche de l'escalier résonnait l'une après l'autre, et il sentait dans son cœur de grands coups qui battaient à l'unisson. Puis les pas s'en allaient, à droite, à gauche, ou gagnaient les étages supérieurs. Et c'était chaque fois qu'il avait enduré cette souffrance comme une nouvelle rupture, une nouvelle trahison. Du temps passa. Un moment, il remarqua que les horloges tintaient par la ville. Il écouta. Elle sonnait 4 heures. Comment? Il était 4 heures? Alors il se mit à pleurer comme un petit enfant avec de grands sanglots qui finissaient en plainte. Il avait la fièvre. Son front était brûlant et mouillé d'une sueur froide. Ses mains tremblaient un peu. Il pensait à la mort, à un repos éternel qui lui semblait une chose très douce. Et l'idée lui vint de se tuer, de se jeter par la fenêtre, afin qu'elle trouvât son cadavre en travers de la porte quand elle voudrait rentrer. Mais une réflexion qu'il avait déjà faite lui revint. S'il se tuait, jamais il ne la reverrait. Jamais, jamais. S'il la tuait, aussi, jamais il ne la reverrait plus. Et il sentait un besoin impérieux de la revoir, jusqu'à être pris de l'envie folle de courir la chercher par la ville. Oh, comme il aurait étranglé celui qui était avec elle! Pour celui-là, la mort eût été une peine trop douce. Il s'endormit à l'aube, engourdi par sa douleur. Quand il se réveilla, tard dans la matinée, et qu'il se regarda dans une glace, il ne se reconnut pas, tant il était pâle. Il s'habilla. Il allait au théâtre. Les acteurs devaient savoir quelque chose, car ils ne parurent pas remarquer qu'il était venu seul. Il s'occupa de ce qu'il avait à faire, machinalement, puis il déjeuna avec les autres, sans rien dire. Quelques-uns ricanaient un peu, mais il n'y prit garde. Après le déjeuner, il s'assit dans un coin, n'ayant plus rien à faire. Alors le vieux Calcèse, le Pulcinelle, s'approcha de lui, les autres comédiens étant partis. Pietro le regarda et fut surpris de l'air très doux et très bon qu'il avait. Jamais il ne lui avait vu cet air-là. Ce n'était plus le Pulcinelle qu'il connaissait, l'ivrogne goguenard dont la faconde ne roulait que des paradoxes et des sacrilèges. Il n'avait plus ce rire méchant, le rire du mal dont il était si fier et qu'il tenait des Pulcinelles ses aïeux. Il avait un sourire indulgent, presque triste, et, sous ses sourcils, emmêlés, son regard, bleu, qui savait si bien s'arrondir pour les colères simulées, semblait à Pietro plein d'une compatissante pitié. Pulcinelle lui prit le bras et l'entraîna doucement. Il faisait une jolie journée de printemps. La vieille ville aux tristes arcades était tout ensoleillée. Ils suivirent sans rien dire la Via Santa Isaia jusqu'à la porte et sortirent de Boulogne, allant vers la Chartreuse. Pietro se laissa conduire. La pensée était comme engourdie en lui. Il avait cependant l'image des Séraphines toujours présente, et cette vue intérieure lui causait une poignante douleur. Ils arrivèrent devant un petit cabaret que Pulcinelle devait connaître, car il y entra délibérément. C'était une simple maisonnette à laquelle attenait une tonnelle faite de vignes séculaires. Les ceps gris se couvraient d'un léger feuillage. Pulcinelle frappa sur la table, commanda qu'on lui apportât une fiasque de Chianti et emplit deux verres du joli vin rosé. Pietro s'était assis devant lui. « À la tienne ! À la tienne !» Pietro but son verre d'un trait. La fièvre de la nuit lui avait desséché la gorge. Pulcinelle lui versa sur le champ un autre verre qu'il vida encore à petits coups, subitement calmé par la fraîcheur du lieu et la sérénité de la campagne. « Vois-tu, mon fils, dit le vieux comédien, cela contient bien des choses. » Et il levait son verre pour y faire passer un rayon de soleil qui filtrait entre les branches. « Cela contient la joie, le talent quelquefois, l'oubli toujours. Ah, quel remède à l'âme que le vin !»« Je connais ça, reprit-il, comme si Pietro lui avait dit le sujet de sa peine. » Je n'ai pas toujours été le vieux Pulcinelle que tu vois. Jadis, mon masque noir cachait un visage jeune et frais. J'étais un Pulcinelle innocent, et si je remplissais sur la scène le rôle du narquois diabolique que tu connais, c'était pour suivre la tradition de mes ascendants. Hors de la scène, j'étais naïf et amoureux, amoureux surtout. J'adorais la femme, toutes les femmes. J'avais 20 ans. Il y avait toujours quelque jeunesse qui trottait dans ma cervelle et dans chacune de celles que je voyais, quelque chose qui fixait mon attention et qui me semblait un morceau de la perfection. C'était le pied de l'une, la gorge de l'autre, un air de tête, les yeux, les lèvres, le sourire. Un jour, j'ai cru rencontrer la perfection tout entière, telle que je la rêvais. C'était une petite que sa mère avait fait entrer comme danseuse dans la troupe à laquelle j'appartenais. Celle-là, je ne pouvais me lasser de la regarder, de l'entendre. Le moindre de ses mouvements me causait un ravissement. Elle était toute jeune et très innocente quand elle dansait sur le théâtre, allumant dans le cœur des hommes qui la regardaient des incendies. Elle restait chaste et parfaitement ignorante des luxures qui haletaient autour d'elle. Je me crus parfaitement raisonnable en décidant d'en faire ma femme. Je serais, me disais-je, un mari bienheureux. La jeune fille qui est restée pure au milieu des tentations fera une femme aimante et fidèle. Ô pauvre Pulcinelle ! Il s'interrompit. Encore un verre, mon ami. Ce Chianti est un bon vin. C'est la gaieté en bouteille. Il vous rit dans la gorge. On dirait qu'il se volatilise dans la poitrine et que sa vapeur légère monte tout de suite à la cervelle. Pietro écoutait-il les discours du Pulcinelle? Il était toujours immobile, les coudes appuyés sur la table, les yeux vaguement fixés sur les horizons lointains, mais la pâleur de son visage était moins grande. Ses joues se coloraient légèrement. Pulcinelle reprit son récit. Il y avait un épisode qui manquait et que sans doute il venait de se raconter à lui-même, en regardant son verre d'un œil sombre. Alors j'ai résolu de les tuer. Il me paraissait que cela devait être, qu'il était impossible que je fisse autrement. Non vraiment, c'était trop fort, attendre le mariage pour faire la cata. Car je sais qu'elle lui avait dit « Je veux être mariée d'abord, nous verrons après. » Crois-tu? Elle avait dit cela. Cela méritait bien la mort, n'est-ce pas? Alors, j'ai résolu de les tuer, tous les deux. J'achetai un couteau, un grand couteau de boucher. Je trouvais que c'était mieux. Je voulais voir beaucoup de sang couler. Il me semblait que ça me calmerait. J'ai mis mon couteau sous mon habit et je sortis. Il était presque nuit. Je voyais encore la rue. C'était à Venise, une petite rue large comme ça. Je serrai mon couteau sur ma poitrine. Je me disais, je vais tuer un homme et une femme. Je sais où ils sont. Ils sont là-bas. Je trouverai bien moyen d'entrer sans bruit. Je leur couperai le cou, à tous les deux. Le lit sera rouge. J'ouvrirai la fenêtre et je les jetterai dans le canal. J'attendrai un peu, jusqu'à ce que le canal soit tout rouge aussi, et puis je me noierai dans leur sang. Hein, crois-tu qu'on est bête quand on est jaloux? Je me disais cela tout en suivant mon chemin. Je passais devant Santa Maria Formosa. Il y a là une petite place où se tiennent des théâtres de marionnettes. Il y en avait un qui jouait, éclairé par deux flambeaux. Des gamins couraient devant moi pour l'aller voir et se criaient les uns aux autres « venez voir, voilà Pulcinelle qui bat sa femme !» Alors je me dis, moi aussi, je vais battre ma femme, ma Pulcinelle adorée. Je ne lui donnerai qu'un coup, un coup qui la tuera. Je quittai la place, j'entrai dans une petite rue. C'était la rue où il demeurait. Mais voilà que tout d'un coup, le courage me manque. Je m'arrête. La rue était noire. Il n'y avait qu'un cabaret qui fût éclairé. On entendait des chansons derrière les petits rideaux à carreaux rouges. Je me dis, je vais entrer là, je boirai, cela me donnera du cœur. Je n'avais pas l'habitude de boire à cette époque-là. J'étais un pauvre Pulcinelle. Je bus beaucoup, attendant que le courage revînt. Mais il ne revint pas. J'avais toujours ma grande colère, mais plus envie de tuer du tout. Je me répétais ce que disaient les petits-enfants. « Voilà Pulcinelle qui bat sa femme. »« Oui, disais-je, il la bat, mais il ne la tue pas. Les Pulcinelles ne tuent pas, ils battent. » Je ne sais combien de temps je restais là, ni combien de fiasques je bus. J'avais de l'argent dans mes poches. Quand la bouteille était finie, je jetais de l'argent sur la table et on m'en apportait une autre. À la fin, je sortis et je m'en allais chez moi. J'avais laissé mon couteau dans le cabaret, sous la table. Elle n'était pas rentrée encore. Je cherchais un solide bâton et je m'assis sur une chaise, mon bâton dans la main. Je m'assoupissais quand elle rentra. Sa vue réveilla toute ma colère. Je fermai la porte, j'ai saisi ma femme par les cheveux et je me suis mis à la battre en criant de toutes mes forces. « Venez, venez voir Pulcinelle qui bat sa femme !» Je ne savais plus du tout ce que je faisais. Je frappais, au hasard, férocement, sans relâche. Elle était tombée par terre. Je frappais toujours. Enfin, la porte sauta. On se jeta sur moi et on emporta ma femme. Voilà ce qu'il avait fait le vin. Il m'avait empêché de tuer. « Pietro, encore un verre, mon ami. » 15 jours après, elle revint. Elle avait été à l'hôpital. Plus la même. Elle avait peur de moi. Elle faisait ce que je voulais. Oh, comme je me mis à l'aimer de nouveau. Je ne l'ai pas battue souvent depuis. Elle n'en avait pas besoin. Elle était très sage. Puis elle est morte. Et je me suis mis à boire pour me consoler. Et ça me console. Ça me console. Pulcinelle se tut. Il était tout à fait gris maintenant. Et il riait tout doucement, avec un air de béatitude hébété. Pietro avait mis sa tête dans ses mains et il pleurait, ayant un grand soulagement à sentir couler ses larmes. « Tiens, dit Pulcinelle, tu pleures. Tu n'as pas le vin gai, toi. » Ils restèrent là jusqu'au soir. Tout à coup, Pulcinelle se leva, comme subitement dégrisée. « Allons, Pietro, le théâtre, il faut aller jouer. » C'était comme cela tous les jours. L'habitude le réveillait à l'heure fixe, prête à monter sur la scène. Pietro se leva, tout engourdi. La trahison de Séraphine lui apparaissait maintenant comme une chose très lointaine. Ils rentrèrent tous deux à la ville en se donnant le bras. Fin de la section 43, lue par Agnès Aubi, 2023.